L'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Merci les hommes. Zombie, Hosanna, Sukkati, Zombie, Hosanna, Sukkati, Zombie, Hosanna, Sukkati, Zombie, Hosanna, Sukkati, Zombie, Hosanna, Sukkati,